Jonas chapitre 2. Or l'Éternel avait préparé un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et Jonas fit sa prière à l'Éternel, son Dieu, dans le ventre du poisson. Et il dit, « J'ai crié à l'Éternel à cause de ma détresse, et il m'a exaucé, je me suis écrié du ventre du sépulcre, et tu as vu ma voix. Tu m'as jeté au fond, au cœur de la mer, et le courant m'a environné, tous tes flots et toutes tes vagues ont passé sur moi. Et j'ai dit, je suis rejeté de devant tes yeux, mais néanmoins je verrai encore le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a environné tout alentour, les roseaux se sont entortillés autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, la terre avec ses barres était autour de moi pour jamais, mais tu as fait remonter ma vie hors de la fosse, ô Éternel, mon Dieu. Quand mon âme se pâmait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue à toi, jusqu'au palais de ta sainteté. Ceux qui s'adonnent aux vanités fausses, abandonnent leur gratuité. Mais moi, je te sacrifierai avec voix de louange, je rendrai ce que j'ai voué, car le salut est de l'Éternel. Alors l'Éternel fit commandement au poisson, et il dégorgea Jonas sur le sec.